cours numéro 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Akhadna ams bidayat hadha al-bab, hadha al-fasl, al-Qur'an al-Karim, et on a pris le ta'rif, lughatan, al-qira'at tilawa, et shar'an, kalamullah ta'ala al-munazzal, ala rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. On peut rajouter biwasitati Jibril, et on peut rajouter al-muta'abbad bitilawatih, al-mabdu bisurat al-fatiha, al-makhtoum bisurat al-nas. Thumma, on a lu des versets que Cheikh Ibn Uthaymin il a cité, rahmatullah alayhi, et bayan fadilat hadha al-Qur'an, wa manzilat hadha al-kitab al-azim. On est arrivé à qawlullah azza wa jal, inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Estafadna, ou tu stafad min hadha al-aya, anna celui qui veut al-haq, celui qui veut l'hidayah, il veut tariq al-jannah, c'est hadha al-Qur'an. Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Et ça te montre la gravité de ceux qui cherchent la guider, fi ghayr hadha al-Qur'an. Bal, Cheikh al-Islam, Mohamed ibn Abdel Wahab, rahmatullah alayhi, il a cité, min nawaqid al-Islam, anna celui qui a'taqad anna la guider, elle est autre que dans la voie du prophète, alayhi salatu salam. Et la voie du prophète, c'est le Qur'an. Ahada, c'est min nawaqid al-Islam. Celui qui pense qu'il y a une voie qui est meilleure que le Qur'an al-Karim. Et la sunna du prophète, alayhi salam. ثم قال المؤلف وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو il serait descendu sur une montagne, Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait descendu ce Coran على جبل, et sur une montagne, لرأيته خاشعا متصدعا قال من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Et ça fait partie des أمثال qui sont في القرآن. والأمثال في القرآن كثيرة. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه لأن رسالة il explique ces أمثال. Ça fait partie de التأمل والتدبر que Cheikh Ibn Uthaymin il a cité أمس. أو le verset qu'il a cité. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ومن التدبر تدبر الأمثال كيسا في القرآن فلهذا العلماء يعتنوا بها. قال الشيخ ابن تيمين رحمة الله عليه وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فسامتخ أن من أسباب زيادة الإيمان قراءة هذا القرآن والتدبر والتأمل. Et ça c'est من صفات المؤمنين أنهم يحبون هذا الكتاب. C'est pour ça que tu trouves حتى العوام يحبون هذا الكتاب جدا. Tu trouves بعض العوام ils ont une عناية طيبة بالقرآن. Ils le lisent souvent. من كثرة المحبة بعضهم ils font des bidah tellement qu'ils عظم هذا القرآن. مثلا parmi les bidah après l'avoir lu ils l'embrassent. Il n'y a aucun دليل على هذا. Il n'y a aucun أصل. النبي صلى الله عليه وسلم il faisait pas ça ni الصحابة ni أئمة السنة. لكن تعلمون أن من أسباب البدع parmi les choses qui poussent l'insan à faire des bidah c'est les sentiments كثرة المحبة et il se limite pas au Coran et à la sunna فإن invente des choses كذلك بعضهم من كثرة المحبة il l'accroche il a une عناية به لكن il se sent obligé de l'accrocher sur les murs dans des cadres etc. هذا tout ça il n'y a pas de أصل في ديننا. فمن صفات المؤمنين كما قال عز وجل هنا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. المؤمن quand il le lit ça lui fait monter son إيمان. قال وهم يستبشرون. نعم يستبشرون لأن هذا القرآن سين بشرى pour المؤمنين. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. سين بشرى لأن dans ce Coran beaucoup de versets il y a la bonne nouvelle pour les musulmans. Celui qui meurt à la tawhid, celui qui suit ce prophète, alayhi salatu salam, il est fil jannah, c'est une bouchra. Kadhalik, c'est une facilité pour le musulman. Combien de ishkal, combien de problèmes, la solution elle est fil Qur'an al-Karim. C'est une bouchra. Lakin akhtar al-nas, la ya'lamoun. Akhtar al-nas, ils ont délaissé ce Qur'an et ils cherchent des solutions à leurs problèmes dans des choses. Fil haqiqa, ça leur rajoute que des problèmes. Qala, wa amma alladhina fi qulubihim marad. فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. والعياذ بالله. أما الذين في قلوبهم مرض كالمنافقين المشركين الكفار الملاحدة، هذا القرآن الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن إلى جدي المسلمين المؤمنين الموحدين إلى إقاغي الكفار يستهزئون به إلى كومبات encore plus إلى سيقا نعوذ بالله. هذه النعمة le fait que tu aimes ce Coran et ton but c'est d'étudier ce Coran et tu reconnais la place de ce Coran, c'est une ni'ma min ni'amillah azza wa jalla alayk. Comme les gens vont entrer dans le nar parce qu'ils détestent ce Coran, ils combattent ce Coran, ils ne donnent pas d'importance à ce Coran. Ahmadillah ala hadhihi an-ni'ma qal wa uhiya ilayya hadha al-Quran li unzirakum bih wa man balagh. Hadha al-Quran wahy min Allah. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم il a reçu ce Coran pour annoncer, pour avertir sa umma. نعم, c'est مصدر الشريعة. C'est la source. قال فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا. جهاد بالعلم, جهاد بالقرآن. نعم, لأن الكفار يكومبات المسلمين نحن ناس قرآن. ce Coran في الحقيقة هي toutes les solutions au problème de la umma, كما تقدم. وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. تبيانا, ça vient de le bayan, أي يبين كل شيء. encore une fois, t'as un problème, خاصة dans ton din, t'as un ishkal, tu veux savoir quelque chose, reviens à ce Coran. بعض الناس ils ont des problèmes ou ils cherchent une mas'ala dans son din, la première chose qu'il fait c'est pas de revenir au Coran, et ça c'est un khata. فلهذا quand tu regardes, t'étudies, استدلال العلماء, دائما il commence par le Coran. قال الله عز وجل, il te cite un verset. أما بعض الناس تلس هذا القرآن, alors que Allah سبحانه وتعالى وصفه بهذا الوصف العظيم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فلا première chose انت dans tes recherches, c'est le Coran الكريم. La première chose, tu recherches une مسألة, est-ce qu'il y a un verset في هذا؟ Et après, bien sûr, تستدل بالسنة, تستدل بإجماع السلف. قال تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Ce Coran فيه الهدى. Celui qui veut la guider, elle est le Coran. Elle n'est pas في أقوال البشر. Elle n'est pas dans ce qui pense فلان أو علان. La guider, elle n'est pas dans la majorité. La plupart des gens ils font ça, donc c'est حق, c'est la guider. أبدا. La guider, elle n'est pas عند الكفار من باب أولى. الكفار تتخبغى إلا التعب والضلال عندهم. قال ورحمة. Celui qui يؤمن بهذا القرآن et l'applique بقدر الاستطاعة et il aime ce Coran et son but c'est d'appliquer ولو إلى un تقصير في بعض الأمور لا يسلم من التقصير أحد لكن il fait des efforts, هذا إن شاء الله ce Coran c'est une رحمة, بل ce Coran يشفع يوم القيامة لأهله, أي ceux qui avaient de la عناية بالقرآن, ceux qui ont fait des efforts dans le hifz, dans l'application, etc. يوم القيامة ce Coran يشفع لك. قال وبشرى للمسلمين. نعم, أي cette آية فيها البشرى بالجنة, البشرى بالنصر, البشرى بالثبات, celui qui fait telle chose صلى الله ثبات إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ça c'est une بشرى. Celui qui fait des efforts dans son din, yansurullah subhanahu wa ta'ala, Allah yansuru, wa yuthabbitu. Ma balouk, celui qui a pas ce la yu'min wa l'ayyadu billah kal kuffar. Il a pas de bouchra, mais il est fi dhiq wa dhank. Layl wa nahar. C'est pour ça que ba'dahum, il se suicide. Ba'dahum, tu le trouves, sa vie, il est fi ta'b. Wa la aussi, il veut faire croire l'axe. Amma al-muslim la. Al-muslim, il a ce kitab, fihi l'huda, c'est une rahma. إيه بشرى ils sont مرتاحين جدا. وقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. من الكتاب أي الكتب qui était avant ce Coran. ce verset montre أن هذا الكتاب الله سبحانه وتعالى il l'a révélé au prophète محمد صلى الله عليه وسلم et il l'a qualifié de مصدقا لما بين يديه من الكتاب. Et le haq qui était dans les kutub avant, التوراة والإنجيل والزبور, etc. ce haq, أي التوحيد, etc. il est موجود في القرآن. لأن في الحقيقة القرآن c'est كلام الله et les kutub qui étaient avant c'est من كلام الله. المتكلم il est واحد, c'est Allah سبحانه وتعالى. قال ومهيمنا عليه. أي ce قرآن ينسخ ما تقدم من الكتب أي tu comprends من هذا أن الحق qui était avant dans les كتب il est موجود في القرآن. Les falsifications qu'ils ont fait, أنت t'en as pas besoin. T'as pas besoin de lire ces كتب لأن الخير qui était dans ces كتب il est في القرآن. وزياد. كذلك الأحكام t'as pas besoin de chercher des أحكام في التوراة أو الإنجيل أبدا. لأن هذا القرآن الله سبحانه وتعالى l'a qualifié بقوله ومهيمنا عليه. Donc, أنت تتعبد لله عز وجل avec ce Coran. فلهذا قال فحكم بينهم بما أنزل الله أي بالقرآن. T'as plus besoin du reste. Et ça, كذلك, c'est une فضيلة عظيمة pour cette أمة. أن cette أمة, الله سبحانه وتعالى l'a élevé avec ce Coran. Et ce Coran, il abroge tous les livres qui étaient avant. Et tout le haq qui était dans les livres auparavant, c'est fait le Coran. وزيادة. Donc, الحقيقة, ce Coran, c'est une نعمة عظيمة. فلهذا الأمة الإسلامية والمسلمون ils doivent donner de l'importance à ce Coran. حفظاً وقراءةً وتدبراً ودراسةً. كذلك ne pas négliger le Coran Karim dans les cours. Des cours de tafsir. Tafsir Juz Amma, tafsir Al-Fatiha, tafsir Ayat Al-Kursi. Même, tu n'es pas obligé de faire tafsir entier. Tafsir une ayah avec un kalam alim, rasikh, un kalam sahl. Et t'explique, Allah, c'est min a'zam al-durus. Et c'est sabab al-huda wal-rahma wal-bushra comme dans les ayat. قال شيخ العثيمين والقرآن الكريم. Donc jusqu'à ce point 1, il a cité des فضائل. Il a cité plusieurs versets du Coran al-Karim pour te montrer فضائل هذا القرآن. الآن il va citer une autre مسألة et il va te montrer أن هذا القرآن c'est مصدر الشريعة. قبل هذا on lit des hadiths. حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. C'est ce hadith, on a fait une إشارة أن ce Coran يوم القيامة ceux qui ont de la عناية به يأتي يوم القيامة شفيعا يشفع لك. الحديث اللي في صحيح مسلم قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل فله عشر حسنات. تصن فضيلة عظيمة إن لتخ تجي حسنة. إذا رواية لا أقول ألف لام ميم حرف لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. دونك ألف لام ميم مثلا ديبي دو سورة البقرة ألف لام ميم تخط حسنة. ألف عشرة لام عشرة ميم عشرة. هذه فضيلة عظيمة. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. صارت مضخ فضيلة فضيلة القرآن. سين جماعة celui qui fait l'imam si c'est l'heure de la salah c'est أقرأهم لكتاب الله. ولو سين autre il a plus de علم ولو سين autre il est plus âgé. أقرأهم لكتاب الله celui qui passe devant. لماذا؟ لأنه celui qui a eu le plus de عناية في هذا الباب. Donc celui qui passe devant. Ça te montre فضيلة. كذلك إذا سيت حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه أي لجمال à réciter لكن il fait des efforts. قال وهو عليه شاق له أجران. Ça c'est un délil طيب. الحديث اللي في الصحيحين. Et le premier hadith, hadith Abi Mas'ud, il est في صحيح مسلم. Ça montre أن celui qui a du mal, لكن il fait des efforts, له أجران. Il a chaque حسنة, chaque حرف, il a dit حسنة, comme في حديث ابن مسعود. Et كذلك son أجر, il est multiplié par deux. Par rapport à une personne, elle n'a pas de mal. مثلا c'est un arabophone, il le recite عادي. هذا مثلا c'est pas un arabophone, فإلا du mal. هذا, vu qu'il fait plus d'efforts, le ajr est multiplié par deux. Ni'ma min Allah. C'est une fadila azim. كذلك, il a cité hadith, hadith Abdullah ibn Amr, page 20. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, يقال لصاحب القرآن, والمراد بصاحب القرآن هنا حافظ القرآن. قال, اقرأوا, أو اقرأ, ورق ورتل. كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الحديث لحسن إلى في مسند الإمام أحمد كما نبه الشيخ هنا. Donc ça montre l'importance de l'hifd. يوم القيامة المسلم يغسيت et sa منزلة في الجنة elle est par rapport à son hifd. Plus il ahfad, plus il montera en degré. هذه سن فضيلة عظيمة. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا فتنتين. رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. Donc pas de jalousie إلا dans deux choses. Parmi ces deux choses, il a cité la deuxième, ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. Parmi ces choses, c'est واحد, Allah lui a donné du mal et il fait الصدقة ليل نهار. Tellement qu'il a beaucoup de mal, il fait beaucoup de sadaqa. Hada fil haqiqa, tu l'envies, enta. Ça ne veut pas dire al-hasad al-madmoum. Al-hasad al-madmoum, c'est que tu envies ce qu'il a et t'espères que lui, il a plus. Là, na'oudou billah, c'est pas ça le mourad al-hadith, abadan. Lakin, al-mourad, hona, c'est al-hasad, et tu l'envies, tu voudrais être comme lui. Sahih. Kadalik, al-qari lil-Qur'an. Il connaît le Qur'an, il a appris le Qur'an par cœur. Wa yaqoum bihi ana al-layl wa ana al-nahar. هذا لا شك تقول الله فيه لذي نعمة الحديث اللي في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه الحديث اللي في الصحيح صحيح البخاري خيركم أما السلف خيركم le meilleur d'entre vous c'est celui qui apprend le Coran et il l'enseigne. Deux choses, t'apprends كذلك tu fais des efforts, t'enseignes. واحد il a besoin d'apprendre le Fatiha, tu l'aides. Si tu connais des explications simples avec كلام أهل العلم, tu بلغ, tu montres. هذا c'est خير الناس خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كذلك ce hadith c'est من أدلة فضل الدعوة. نحن on a lu plusieurs فضائل et tout ça ça nous efforce ou ça nous encourage أكثر à faire encore plus d'efforts. Et le but نحن de lire cette رسالة أو صلة التفسير c'est pour هذا, pour qu'on a des أصول في هذا الباب المهم. Comme ça, on comprend. Il y en a celui qui a des usuls dans une chose. Inch'Allah, c'est usul, c'est un outil, c'est pour que ça l'aide. C'est ça le but de tout ce kalam là. Nakmé le kalam, Cheikh Ibn Uthaymeen. قال والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. مصدر, c'est la source. مصدر الشيء, c'est la source. مصدر هذه الشريعة le مصدر, la source de notre دين, c'est le Coran al-Karim. كذلك السنة لأن القرآن الكريم t'as des versets, c'est كلام الله et Allah t'ordonne de suivre le Rasul. Donc تستفيد أن مصادر هذه الشريعة t'en as deux, القرآن والسنة. Et le Coran et le Sunna, ça passe avant la vie de Fulan, ça passe avant la majorité, ça passe avant قوانين البشر, démocratie, liberté, tout ça. Nous, on est des mu'minoun, des muslimoun. Tout notre bien, il est fait le Coran. Le Coran, il te donne la liberté que tu as besoin et la liberté mashrou'a. Et tu as des limites. Tu fais pas ce que tu veux. Ala l'itlaq. Na'am. Tout le khayr, il est fi hadhayn al-mazdari. Al-Quran ou al-sunna. Fantabih, akhil karim, khasatan fi hadhi l'ayyam, ils combattent ces masadir. Ils savent que c'est la source de ton dîme. Et wallah, ils savent très bien أن الخير الذي في الدين et في هذه الشريعة. كثير منهم ils le savent, خاصة رؤوسهم. Ils te combattent et ils veulent t'enlever cette نعمة. أن تجتهد وحافظ عليها. قال شيخ ابن عثيمين قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أي il avertit العالمين, أي البشر, هذا القرآن. لماذا؟ لأنه كم إلى دمود غشق من عثيمين c'est مصدر الشريعة الإسلامية. Et toi t'es un عبد مخلوق, tu fais pas ce que tu veux. لا تغتر بهذا المبدأ الباطل أنك تليبغ أنك أبدا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. T'es un بشر ولا تغتر, tu غادي كنت أغم. Et والله يوم القيامة لا ينفعك je suis libre أو لا ينفعك هذا. يوم القيامة غادي كنت أغم. وذكر قول الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. أساسا حكمة ونعمة عظيمة. Ce Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a révélé au prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم pour que le Nabi صلى الله عليه وسلم fasse sortir les gens من الظلمات إلى النور. بإذن ربه. هذا فا ça te montre أن celui qui suit pas ce Coran, il est في الظلمات. انتبه. Comme il a démontré l'imam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh, أن الظلمات, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité le lafd على الصيغة الجمع. Vous avez remarqué que الظلمات, il est pluriel. قال, كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. نور إلى سانجولي أو بلوغيال سانجولي مفرد. Et l'imam Nukayyim il te montre, Anna, ça te montre que Nour al-Haq il est wahid. Et al-Batil il est kathir. C'est pour ça que al-Dhulumat il l'a cité, al-Sirat al-Jama. Dhulumat al-Kufr, ou al-Shirk, ou al-Bida', ou al-Dhalal. Et al-Kufr il y a beaucoup. Il y a beaucoup de catégories. On en a étudié certaines dans les livres de Tawhid qu'on a fait. Et tu trouves, Ba'd al-Nas ils se sont écartés du Coran, écartés du Din complètement. Il y a plusieurs raisons. بعضهم c'est الهوى بعضهم c'est une شهوة بعضهم c'est une شبهة بعضهم c'est l'argent بعضهم c'est il a des doutes بعضهم أسباب كثيرة. أما الحق النور إلى واحد c'est deux sources qu'on cite là, c'est الوحي c'est طريقة الله عز وجل comme on va voir في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط إلى واحد un chemin. الله سبحانه وتعالى هنا il l'a appelé النور. قال كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. نعم. فبعضهم مثلا اللي تف في الظلمات النصرانية الوثنية جو شرك ستا نصراني اي غوفيا او نور الإسلام. وبعضهم اللي تف في ظلمات اليهودية الوثنية كذلك سي جو شرك جو كفر. بعضهم اللي تف في ظلمات الإلحاد يكخواي بلو ان ريان ملحد. وبعضهم كان يعبد هواه أو شهوته أو الشيطان ثم ولله الحمد إلى جدء الإسلام ستمتك الظلمات كثيرة الحق لواحد. فلهذا قال عز وجل من الظلمات إلى النور. هذا استفدناه من ابن القيم إلى كلام طيب حول هذا. قال كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. كذلك هنا صراط أي صراط واحد صراط من؟ العزيز الحميد أي صراط الله عز وجل. قال الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. يدلس هذا الصراط يدلس هذا الدين يدلس هذا النور يا عذاب شديد كي les attend à cause de leur إعراض celui qui se détourne. والعياذ بالله celui qui veut pas le haq, celui qui veut pas apprendre, فالله سبحانه وتعالى il le menace. وويل للكافرين من عذاب شديد. لماذا؟ لأنهم ils se sont écartés de ce sirat. Et ce sirat c'est quoi son masdar, c'est quoi sa source? القرآن الكريم et سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ ابن عثيمين وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر التشريع مصدر تشريع أيضا كما قرره القرآن. تعلمون أن هناك سكت ان جروب ايغاري يسمون انفسهم القرانيون هذ دولان من ابعد الناس عن القران سهم اي سي دي كفره العلماء اللي زون كفر انهم بوغو مصدر الشريعه سي القران فقط اي سو قول سو اعتقاد سو مبدا سي دو كفر لان القران لوي ميم كما يبان ديمونتري شيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه الله سبحانه وتعالى دون بليزيور فيرسي نو مونتر اي نو اوردون دو سويفر النبي عليه الصلاه والسلام. Comment tu prétends que la source c'est Al-Qur'an faqat et tu rejettes sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam? C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen il va faire ce tambih. Wa sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam masdar tashri' aydan. Et en haqiqa tu retrouves hada fi al-Qur'an. Kama qarrarahu al-Qur'an. Qala Allah ta'ala man yuti' ar-rasul faqad ata' Allah. Celui qui obéit au rasul il a obéi à Allah. Ça te montre que l'obéissance et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est ma'mour bihi shar'an. Et c'est min ta'atillahi jalla wa ala. Qala wa man tawalla fa ma arsalnaka alayhim hafidha. Tayyib. Ça te montre que celui qui s'égare, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui montre, il lui révèle ma arsalnaka alayhim hafidha. Ça va t'aider beaucoup, akhi al-karim, fi da'wa. Tu t'imposes pas au-dessus de tes capacités. Celui qui écoute le haq, alhamdoulillah, ihmadillah, c'est une ni'ma. Celui qui écoute pas, fama arsalnaka alayhim hafidha. C'est pas toi qui hafad, c'est pas toi qui guide. Et Allah, il a al-hikma al-baligha. C'est le hakim, c'est le khabir. Il sait ce que tu sais pas. Innaka la tahdi man ahbab. Fait Allah, subhanahu wa ta'ala, s'il veut guider fulan, il a al-hikma, il le guidera. S'il veut pas le guider, il le guidera pas. Ou alors tu le montres. Wa ta'ammalu qissat ammin nabi sallallahu alayhi wa sallam. Abi Talib. Ya am, qu'la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala hikma, il ne l'a pas guidé. Il est mort. Ala al-kufr wa al-iyadu billah. La tatakallaf fi da'wa. La tatakallaf. Fawq taqatik. Montre. Montre. Et celui qui veut le haq, inshallah, le haq il est wadih. Celui qui veut pas, la tat'ib nafsak. Allah il a une hikma. Qala. Et il a cité un autre verset. Wa man ya'sullah. Wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ça te montre que l'obéissance, elle doit être à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager. Et celui qui désobéit à Allah et à son messager, faqad dhalla dhalalan mubina. Comment ce qawm, ha'oula, ad-dhullal, ils prétendent qu'ils obéissent à Allah et ils suivent le Coran, faqad. Qu'est-ce qu'ils vont dire de ce verset? Wa man ya'sillah wa rasoulah. On a deux sources, le Coran et la Sunna. Et ces deux sources, c'est min wahyillah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Fa fil haqiqa la source elle vient d'Allah. Les deux sources elles viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin nahnu montre bien bi tafsil Coran wa Sunna li'anna un qawm ash-shaytan les a égarés et ils ont prétendu que la guidée elle est fil Coran. Faqat el Coran ça suffit. Wa hadha c'est min a'zam ad-dhalal. Fil Coran Allah subhanahu wa ta'ala il te démontre que tu es obligé de suivre le Rasoul. Et celui qui désobéit au Rasoul, il est à la khatar, il est à la dhalal. Wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Il a cité كذلك قول الله عز وجل wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu. Amr min Allah. Fakhudhuhu. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager t'a donné, tu prends. Limadha li'annahu c'est haqq et c'est nour. Comment prétendre là, je prends que le Coran? Celui qui prétend qu'il doit suivre que le Coran, faqat, qu'al Coraniyin, ad-dullal, fin haqiqa, il rejette ce verset du Coran. Fali hada, l'ulama, il démontre qu'al Coraniyin, c'est min ab'ad al-naz ani al-Coran. Et ça te montre que c'est pas tous ceux qui se donnent une étiquette, annahum, ils sont à la haq. Il prétend suivre le Coran, il est à la haq. C'est un kadhab, c'est min ab'ad al-naz ani al-Coran. Fala taghtar bil al-qab, wa bil musammayat, la taghtar. Tu regardes daiman al-haqa'iq. Coran, un val, un munharif, il prétend suivre le Coran, c'est une étiquette là. Thomas, il te montre qu'il ne suit pas le sunnah. Est-ce que le fait qu'il dise je suis le Coran, il me fait abadan? On lui dit, t'es min akdab al-nas, et t'es min abad al-nas ani al-Quran. L'an al-Quran, il y a mort de tuba al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fait comment est-ce que tu khalif? Et tu prétends que le Coran, ça suffit. Alors c'est un kadhab. La taghtar bil musammaya. Qala. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Et il clôture ce chapitre avec ce verset, Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayh, pour te montrer que celui qui veut al-huda, celui qui veut qu'Allah l'aime, لأن ça suffit pas أنت تحب, ça suffit pas هذا. كم من الناس يبخطان حتى اليهود والنصارى, ils prétendent que Allah il les aime. Ou eux, ils aiment Allah. Alors, ça ne suffit pas. Anta t'aimes Allah et Allah t'aime. Et mahabbatullah azza wa jal, elle a des asbab. Elle a des causes. Wa min a'zam il asbab, ce sabab qui est cité dans ce verset. Qul in kuntum tuhibbun Allah. Si vous prétendez aimer Allah, et ça que t'aimes l'annas, ils prétendent. Chaque groupe égaré l'an, chaque secte, bel chaque din, ceux qui prétendent qu'ils sont à la din, ils prétendent qu'ils aiment Allah. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis un shart azim. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. Celui qui suit le Nabi صلى الله عليه وسلم بإخلاص, نعم هذا الله سبحانه وتعالى إلا. فلهذا قال عز وجل يحببكم الله. Tu استفد من هذه الآية أن c'est pas tous ceux qui prétendent aimer Allah qu'Allah il les aime. Celui qui aime Allah et il espère محبة الله عز وجل, il suit هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ما بالك الآن الخبثاء يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئون ويمكرون إذن حرب كبير واسع على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام سمن أكفر الناس. نعم انتهينا. ها فصل طيب القرآن الكريم. Ça c'est le premier فصل. Il a cité la source, le fondement, القرآن الكريم. لماذا il a commencé par هذا? لأنه on est dans la risala au sur le tafsir. Le tafsir, c'est tafsir de ce kalam. Donc, avant de citer des usul dans le tafsir, avant de rentrer dans ce chapitre, il te montre Al-Qur'an al-Karim. C'est quoi? C'est kalamullah. Il a cité des fada'il. On en a rajouté. Il te montre que c'est pas la seule source. Là, il y en a sept sources, elle te montre qu'il y a une autre source. Cette source, c'est le Coran al-Karim, ce masdar, kalamullah. Allah subhanahu wa ta'ala, il te montre, t'es obligé de suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fali hadha, Cheikh Al-Taymin, il a fait un rajout, et il a démontré, anna as-sunna, sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kadalik, c'est masdar tashri'a. Kadalik, c'est une source dans notre sharia. Enfin, on néglige pas le Coran, on néglige pas as-sunna. Hadha, c'est un bayan tayyib, et ça te montre husn al-ta'lif, al-tartib, c'est muhim. Cheikh Al-Taymin, il ne s'est pas précipité, il te cite directement des usul dans tafsir là. Il te montre déjà, comprends déjà, c'est quoi qu'on va fassir. C'est le Coran. Tu dois avoir des ma'loumats dans le Coran. C'est kalamullah, tu dois connaître des fada'il. Thomas, il va citer un autre chapitre, nuzul le Coran. Il va te donner des fawaïd, comment ce Coran, comment il est descendu, comment il a été révélé. Thomas va arriver à un stade, il va commencer à te montrer des usul fi tafsir. Ah, c'est tayyib. Al-muqaddimat fi l'uloum, c'est nafi' jiddan. Hatta antum, quand tu veux expliquer quelque chose à quelqu'un, tu veux donner un dars, ne précipite pas à rentrer là, donne-lui des ma'loumat qu'il comprenne. Hatta ces ma'loumat, ça va l'attirer, ça va lui donner de la mahabba fil fan akthar. Thomas, tu rentres dans le sujet, inshallah, il est prêt. Hada, c'est muhim. C'est pour ça que l'ulama, souvent, il cite des muqaddimat, mukhtasara. Hada, wallahu ta'ala a'lam. نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك